Alors celle-ci, c'est pour les chiennes qui ont la chiasse, et pour les chiens sur leurs échasses, qui chient de haut. Je dis je, et j'assume, c'est déjà pas mal en soi. Bonsoir, c'est Gambilac de la Valençoire. Valence voir, que je parle de moi, de mes caleçons en soi. Que t'en sois, pas plus avancé que juste avant ça. Avec ça, je suis pas trop venu pour vous vexer. Il vous faut plus d'un remède, plus d'un vaccin. Vos corps sont figés, vous semblez un cliché. Ce que vous vous infligez, vous voulez l'afficher. Mais chier quand même, on récolte ce que l'on sème. À ce que l'on sait, vous, semez la haine. Et vous voulez la mer, vous voulez la mort. Vous voulez la mienne, vous voyez une voiture de sport et vous voulez la même, tout comme les grands plats et ensuite qui se plaint qu'on fait tout un plat, que le porte-monnaie n'est pas plein. Vous en faites tellement pour ne pas vous voir en face, que dans vos yeux c'est votre enfance qui s'efface. Vous voulez être aimé quand je préfère aimer sans faire l'amour, que de faire l'amour sans aimer. Vous avez peur de vous, moi aussi je l'avoue, mais si vous me tendez l'oreille, je vous tendrai la joue. Et vous vous branlez avec des bites ou bien des chats, vous rencontrez par chat et vous y trouvez du charme. Vous vous trouvez du charme mais vous ne faites que du char à vous-même et aux autres que vous tenez pour des charges. Et je sais pas pourquoi, chaque fois que je vous vois, j'ai la très nette impression que je me pourvois. Qu'on me le sous-doit, comme le respect que je vous dois de rester moi, et donc de faire du rap vaudois. Je suis ni français, ni ricain, ni suisse, ni rital, irritable, vieux gamin. Quand je chie, c'est lyrical, véritable, vieux marin. Le lac est mon héritage, vous ne savez pas le voir, le lac est mon territoire. Et vous pissez dedans et vous passez à côté, vous chiez dedans, vous préférez les cocotiers. Plus c'est loin, plus c'est bien, plus c'est chaud, plus c'est beau, plus c'est faux, plus vous êtes accro à l'effet placebo. Vous avez peur de vous, vous avez peur du silence. Si bien qu'entre vous et vous-même, il y a une distance immense, c'est clair. Vous êtes sincère, mais en freelance, vous arrivez à être lourd sans avoir de consistance. À prendre des gens pour des cons, à les prendre pour vous, quitte à ce que la vérité vous prenne au dépourvu. Vous changerez d'amis, de femme ou bien de chat. Quand la coupe est pleine de haine, on change de déchat. La morale de cette histoire, la rirette, la rirette. Si vous aimez mentir, les chiens ou les marionnettes, faites comme vous avez envie, je serai pas votre pantin. Dans cette vente aux enchères, je ne ferai pas la putain. Check le sens de mon ego trip. C'est Gambi marche avec ses principes. Check le sens de mon ego trip. Yeah. Et si je marche avec mes principes, check le sens de mon ego trip. Et puis si vous préférez fuir, vous pouvez aller le faire ailleurs. Check le sens de mon ego trip. Tu peux mentir.